La partie en français ce soir va porter donc sur un entretien sur les mobilisations dans le milieu universitaire en Algérie, donc qui ont cours depuis plusieurs jours. J'ai pour ce faire réalisé un entretien en début d'après-midi avec Monsieur Adel Abdelzak, qui a été porte-parole du CNES, qui est le syndicat des enseignants universitaires. Il a été donc porte-parole de cette organisation de 97 à 2004. Il est ex-membre de la Commission nationale algérienne de réforme du système éducatif et ex-membre du Conseil supérieur de l'éducation. Il est également un acteur très engagé auprès de différents mouvements sociaux en Algérie. Je ne peux pas rendre justice non plus à son parcours académique, seulement dire qu'il a co-dirigé avec un autre intellectuel algérien, hélas trop vite décédé, Jamel Guerid, un livre qui a pour titre « Repenser l'université ». Donc je me suis entretenu cet après-midi avec lui, je vais donc tout de suite vous diffuser la première partie de cet entretien de 25 minutes, les 12 premières minutes, donc tout de suite, Elliot, s'il te plaît. Alors, merci infiniment, merci d'avance au nom de tous mes collègues de l'émission Amandla. Je voulais tout simplement que pour un public québécois d'abord et canadien qui n'est pas très au fait avec l'actualité politique algérienne, si vous pouviez peut-être nous aider à décrypter un peu, à voir plus clair, surtout pour saisir les soubassements de la mobilisation étudiante qu'il y a lieu dans plusieurs cités universitaires, dans plusieurs disciplines, mais aussi dans plusieurs villes visiblement. Alors, cette mobilisation étudiantine, mais aussi des corps professoraux, commence à faire tache d'huile et on aimerait comprendre un peu dans quelle trame elle se situe et pourquoi ça arrive maintenant. Dans un premier temps, donc pourquoi ça arrive maintenant et on abordera ensuite les revendications plus spécifiques qui sont portées. Peut-être dans un premier temps nous expliquer un peu pourquoi ce mouvement atteint une mobilisation dans la conjoncture actuelle. Écoutez, la situation des universités algériennes, parce qu'il y a au moins... Il y a au moins 70 établissements universitaires, entre universités, centres universitaires qui est une sorte de petite université, et les écoles supérieures qui sont considérées dans la carte universitaire algérienne comme des pôles d'excellence. Voilà. Et il y a une agitation ancienne qui n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que depuis quelque temps, il y a une agitation des mouvements étudiants, des grèves, des protestations assez continues et surtout assez déterminées. C'est ça la caractéristique actuelle, c'est que les étudiants font des grèves très longues et sont déterminés à aller le plus loin possible pour un peu se faire écouter, se faire entendre, être reçus par les autorités, les responsables du ministère de l'enseignement supérieur et ensuite expliquer leurs revendications et espérer régler les problèmes qu'ils posent. Voilà. Alors justement, au niveau des revendications pédagogiques et socio-professionnelles, on aimerait bien comprendre sur quoi et quelle est la nature de ces revendications. Écoutez, fondamentalement, pour comprendre cette inflation de revendications au niveau de mouvements étudiants aussi différenciés, d'établissements aussi différents, le point de départ, c'est le système LND, qui est un système, j'imagine que vous connaissez aussi au Canada, dans les universités canadiennes, mais en tout cas, c'est le système connu, appliqué dans toutes les universités européennes. Et l'Algérie, depuis quasiment 10-15 ans, a généralisé, depuis une dizaine d'années, 10 ans, a généralisé le système LMD, licence, master, doctorat, qui raccourcit la durée des études sur 8 ans. Et ce système LMD a peut-être la possibilité d'être appliqué dans les universités européennes parce qu'il y a la possibilité de la mobilité des étudiants, il y a la possibilité des échanges d'étudiants entre universités, alors que chez nous, dans les universités algériennes, on est encore au stade de la massification de l'enseignement. C'est-à-dire, on a en fait, dans les universités algériennes, on n'a pas une sélection massive des étudiants. Tous les étudiants qui ont un bac ont le droit de s'inscrire à l'université. Après, la sélection, elle s'opère au niveau école supérieure ou université, quel type de filière, etc. Et le LMD est aujourd'hui, c'est reconnu par le ministre de l'Enseignement supérieur, il n'y a pas un mois et demi, il a reconnu que le LMD a été un échec en Algérie. C'est un aveu d'échec qui montre que le choix du LMD a été un choix d'échec, un choix qui ne correspond pas aussi bien à la structuration des universités qu'au flux massif des étudiants, qu'aux attentes d'études des étudiants et des étudiantes. Alors justement, puisque vous avez employé le terme massification, et vous semblez aussi dans la description que vous faites, vous ressortez finalement, on comprend bien, sous-jacent à votre propos, qu'il y a une qualité de l'enseignement qui s'est beaucoup dégradée. À quoi cela est attribuable? Est-ce que c'est à des contingences attribuables au système ou à un phénomène de saignée qui serait tributaire notamment de la fuite des cerveaux des années 90? Il y a plusieurs causes qui peuvent présider à cela. On aimerait bien comprendre un petit peu qu'est-ce qui préside un peu à l'état larvé dans lequel se trouve le système universitaire en Algérie. Alors, il y a eu un débat dans les universités algériennes il y a quelques années sur, en gros, pour caricaturer, l'Algérie, l'université algérienne a fait de l'enseignement de masse, donc elle a priorisé la quantité, maintenant il faut aller vers la qualité. Bon, c'est un débat qui est ancien et qui n'est pas neutre, j'allais dire, idéologiquement et en termes de politique d'enseignement. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est évident que la massification, c'est quoi? Au lieu, on a une population jeune en Algérie, 70 à 75% de la population algérienne est jeune. La majorité de ces 70%, c'est des gens qui accèdent à l'enseignement dans ces différents paliers et ils arrivent en bonne partie à l'université avec un bac. Tous ces gens-là sont absorbés par les universités algériennes. Donc c'est normal, c'est prévisible et c'est logique que l'enseignement universitaire soit un enseignement de masse. Et de ce point de vue, c'est vrai que la sélection sociale, j'allais dire en termes de classe sociale, est moins forte comparée aux universités européennes. Je ne connais pas très très bien le système canadien, mais donc je ne vais pas me comparer sur ce terrain-là. Donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte de démocratisation dans l'accès à l'enseignement universitaire. Le problème de la massification se pose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le LMD, sa fonction première, c'est surtout réduire les études de 4 ans à 3 ans pour permettre une mobilité des flux étudiants. C'est-à-dire pour permettre à l'université d'absorber à chaque cycle un peu plus d'étudiants afin qu'il y ait une sorte de rotation régulière des flux étudiants. Et parce que l'université est centrée sur la gestion des flux, eh bien, elle ne peut pas se centrer sur la qualité du savoir. Alors justement, dans un pays comme l'Algérie, où le pouvoir politique gère de façon autoritaire, alors on aimerait bien comprendre comment est-ce que les contingences du pouvoir politique pèsent de façon plus directe sur le système universitaire lui-même. Est-ce qu'il y a une véritable démocratisation à opérer? Et ce champ-là semble sous tutelle actuellement. Est-ce qu'il y a des revendications qui vont dans ce sens? Est-ce qu'elles sont portées par des associations de professeurs ou quoi que ce soit? On aimerait comprendre un peu comment est-ce qu'il y a une mobilisation dans le milieu universitaire, au-delà des étudiants, l'école professionnelle, professeurs, eux-mêmes, comment est-ce qu'ils mènent leur combat en vue de l'autonomie de leur champ par rapport à la tutelle politique qui s'impose au niveau des administrations? Très bien. Alors, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que nous avons des universités, la gouvernance universitaire se fait aujourd'hui de façon très autoritariste par une administration universitaire qui fonctionne comme une sorte, je vais caricaturer, par une sorte d'administration. L'administration joue le rôle d'une administration partie. Elle est partie prenante d'enjeux politiques et de jeux de pouvoir qui ne correspondent pas à ce que doit être l'université ou qui ne correspondent pas à la façon dont l'université doit être gérée. Et si on s'inscrit, on se projette dans l'universalité des choses, l'université doit être gouvernée par des mécanismes démocratiques, c'est-à-dire le collège des recteurs, des doyens, des chefs de département doit être un collège élu. Ce n'est pas le cas à l'université algérienne. Et c'est une revendication ancienne du syndicat des enseignants universitaires, le CNES, dont j'ai été un acteur actif dans les années 90-2000. Et cette problématique de démocratiser la gestion de l'université a toujours trouvé un écueil politique très fort auprès du pouvoir politique. Voilà. Après, ce qui dynamise, à mon avis, au niveau, ce qui peut peut-être dans l'avenir pousser à une reconfiguration dans la gouvernance des universités, pour le moment, c'est surtout la protestation des étudiants. C'est-à-dire les mouvements étudiants sont... Il y a des îlots, il y a des universités où ça bouge beaucoup. Et les revendications, elles sont aussi bien pédagogiques, elles sont aussi bien sur le fait que les étudiants veulent être considérés comme des sujets à part entière. Et je vous prends un exemple de seconde. Par exemple, à l'école supérieure de biotechnologie à Constantine, qui est nouvelle, une école supérieure, qui sont en grève depuis janvier, eh ben, le directeur, l'administration de l'école et le directeur et la direction décident de suspendre la grève par le biais d'une assemblée générale des parents des étudiants. C'est-à-dire, c'est les parents qui se substituent aux étudiants pour décider de la fin de la grève. Ça vous donne une idée de la, j'allais dire, de la, l'infantilisation de l'étudiant par l'administration universitaire. Alors, peut-être une autre question, mais des réponses un peu plus rapides, si vous voulez qu'on couvre une plus grande quantité de thématiques. Dès le début des années 2000, le pouvoir politique algérien a mis sur pied une commission qui s'appelle la commission Benzaou. Vous avez fait partie de cette commission. Alors, dans le rapport final qu'elle a remis, quelles étaient les recommandations dans cette redéfinition du rapport à l'État par rapport justement à la structure universitaire? Est-ce que vous avez été entendu et comment pouvez-vous faire écho justement à cette commission et aux revendications qu'elle a portées, notamment par rapport au champ universitaire? Oui, alors vous me rappelez des moments qui sont un peu lointains, mais je peux vous dire, j'ai été dans la sous-commission de l'enseignement supérieur et de la recherche, et cette commission a été un lieu et un espace d'enjeux et de luttes idéologiques très très aiguisées. Et c'est vrai que le politique et l'idéologique ont marqué un peu les débats de cette commission. Et au niveau des universités, il y a dans les travaux et les réflexions qu'on a faites, y compris dans le rapport général, parce qu'il faut savoir que le rapport général de la commission que nous, on a mis en forme dans son contenu, et le rapport général définitif qui a été retenu par le ministère, ce n'est pas le même rapport, c'est-à-dire il y a eu quelque part des sous-commissions ou des rédacteurs ou des comités de rédaction occultes qui ont transformé un peu le contenu de ce qu'on a exprimé dans des débats très concentrés, très intenses dans cette commission. Pour résumer, l'université, dans cette commission, on n'a pas parlé de système LMD, on a insisté sur la nécessité d'aller vers la qualité de l'enseignement, vers la priorisation de la recherche et surtout vers une démocratisation des institutions universitaires. Kunadia tewala mana che kunadia emba nani masom mina jola ya kunadia te bola abedo iso na bolo jamana che kunadia ko. 19h20 minutes, Mouloudi Dir au micro de l'émission Amandla sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca pour ceux qui nous écoutent à travers le monde. Il suffit de cliquer sur l'onglet Listen Live. Voilà, les deux pièces musicales qu'on a entendues au cours de l'émission, ma collègue Gwen, c'était quoi? La première, oui, c'était quoi? Alors, c'est ça, avant ton intervention, c'était la chanson Fire Dance de Sean Kuti du Nigeria. Puis après ça, juste tout de suite, on a écouté Oumu Sangare avec la chanson Kunadia. Voilà, alors voilà, donc merci infiniment Gwen. On va entendre maintenant la seconde partie de l'entretien avec Adel Abderzak sur les mobilisations dans le milieu universitaire en Algérie. Porte-parole du CNES, Adel Abderzak, qui a été donc porte-parole du CNES, syndicat des enseignants universitaires de 87 à 2004, ex-membre de la Commission nationale algérienne de réforme du système éducatif et ex-membre du Conseil supérieur de l'éducation, acteur très engagé dans la société civile algérienne. Voilà, très rapidement, voilà, on entend la deuxième partie de l'entretien. De plus en plus, nous assistons en Algérie à la prolifération d'écoles privées. Il y a toute une privatisation du corps de l'enseignement. Je ne sais pas dans quelle proportion il atteint le milieu universitaire. Est-ce que, justement, dans les revendications portées par les étudiants ou dans les réflexions par rapport à l'éducation au sens plus large, il y a conscience, justement, de cette prépondérance du privé qui, justement, peut récupérer une partie de la critique vis-à-vis de la nature tout à fait délétère du système universitaire public. Alors, comment est-ce qu'on peut opérer une critique du système universitaire public qui ne soit pas de nature à alimenter, justement, les arguments en faveur de la privatisation du système? Alors, moi, de mon point de vue, au-delà de l'intensité de la crise universitaire et de la délégitimation de la politique de l'État envers les universités, le privé n'a pas vraiment décollé de façon définitive et n'a pas investi à une échelle massive dans l'enseignement supérieur, tout simplement parce qu'il est plus facile de se faire de l'argent dans d'autres secteurs que dans le secteur de l'enseignement. Mais est-ce que le corps professoral, lui, n'est pas capté par toutes sortes, ce soit à travail de consultation, mais par d'autres secteurs, justement? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, il faut le dire, pour dire les choses justes, il y a des îlots d'excellence dans le secteur privé. C'est-à-dire, il y a des écoles supérieures qui sont en partenariat avec des universités françaises, peut-être même, c'est pas peut-être, canadienne. Je prends l'exemple d'une école privée qui s'appelle l'INSIM, qui fait une formation qu'on appelle le BTS École Sherbrooke. Ils sont en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke et ils enseignent le BTS, et c'est une formation qui est très très très demandée, d'autant plus que c'est un diplôme qui est très valorisé, y compris en France. Donc, de ce point de vue-là, il y a des écoles privées qui ont une certaine excellence et qui arrivent à capter effectivement des étudiants qui ont des bacs très élevés et qui préfèrent payer cher pour avoir un cursus de qualité. Alors justement, quand arrivent des problèmes comme ceux qui surviennent aujourd'hui à l'université Alger 3, quels sont les instruments de régulation des conflits qui existent au niveau politique en Algérie dans ce genre de situation? Pour le moment, la surrégulation, elle est autoritaire. C'est-à-dire que l'administration, j'allais dire, de façon omnipotente, décide en amont et en aval, ce qui n'est pas normal. Et dans ce qui s'est passé à l'université d'Alger, où des enseignants en pleine assemblée générale ont été agressés par des individus étudiants de Sciences Po, c'est l'Institut de Sciences Politiques, il est évident que l'administration a un pouvoir aussi bien de manipulation, un pouvoir d'opacité sur tout ce qui se passe, alors qu'elle a le pouvoir d'écouter, de répondre aux attentes des enseignants et des étudiants. Les enseignants ont demandé, ce qui est réglementaire, le droit à faire une assemblée générale, et ils ont en permanence reçu une réponse négative de l'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on empêche les acteurs universitaires en particulier les enseignants, mais même aussi les étudiants, à s'exprimer de façon libre et démocratique dans leur espace professionnel. Alors peut-être un autre élément que vous avez abordé dans le cadre d'une entrevue que vous avez accordée au journal El Watan récemment, vous dites qu'un des aspects de la crise actuelle renvoie à la filiation partisane de certains acteurs décidaires dans l'enseignement supérieur, qu'ils soient ministres, recteurs, organisations syndicales. Il y a une dérive qui favorise cette instrumentalisation des institutions universitaires, aussi bien dans le jeu des rapports de force partisans que dans les stratégies électorales. Or, nous sommes justement en Algérie, dans une conjoncture électorale actuellement en vue des élections législatives. Est-ce que ces considérations là ont à voir également avec la crise actuelle? Bien sûr. C'est-à-dire que à chaque échéance électorale, je le dis dans l'interview, l'université, pas toutes, pas tous les recteurs, pas tous les doyens, ce n'est pas la caractérisation de tous les ministres, mais à mon avis, la majorité était impliquée. D'abord, les ministres sont impliqués dans les échéances électorales parce qu'ils sont souvent candidats à la députation. La députation, les élections législatives. Et c'est le cas cette fois-ci. Alors le ministre de l'enseignement supérieur, d'après la presse, est candidat aux élections législatives. Donc de ce point de vue-là, si c'est vrai, on ne peut pas affirmer, ce n'est pas encore annoncé publiquement. Si c'est vrai, ça veut dire quoi? Il est aussi, paraît-il, membre de la commission du choix des candidatures d'un parti du pouvoir qui est le FLN. Si c'est vrai, il y a, j'allais dire, un délit d'initié dans cette histoire. On ne peut pas gouverner une politique publique destinée aux universités et en même temps être impliqué de façon aussi immédiate dans des enjeux électoraux. Il y a des recteurs qui fonctionnent comme support logistique. Il y a des universités, ça s'est passé avant en tout cas, qui ont fonctionné comme support logistique à des campagnes électorales et législatives ou présidentielles. Il y a des électeurs qui sont aussi potentiellement candidats dans les élections législatives, mais aussi des enseignants universitaires, mais même aussi des délégués étudiants, en particulier ceux des organisations étudiantes liées au parti FLN ou au parti islamiste. Et ça complique la situation parce que ça veut dire que l'impasse dans laquelle se trouve l'université et qui s'exprime par un foisonnement revendicatif ne peut pas trouver une réponse lisible puisque la lisibilité est altérée par les enjeux électoraux immédiats. Alors justement, quel est le rôle des mouvements syndicaux face à ces questions? Et quelles sont peut-être les forces sociales ou quels sont les contre-pouvoirs qui existent dans la société qui font écho à ces débats? Est-ce qu'il y a des partis politiques d'opposition? Est-ce qu'il y a des syndicats autonomes? Quels sont finalement les acteurs ou les structures au sein de la société civile qui opèrent un travail finalement de résistance face à tous ces phénomènes de tutelle qui pèsent sur ce champ universitaire? Qui se fait l'écho au sein de la société algérienne de ce que vous soulevez? Est-ce que ce sont des intellectuels comme vous, de façon dispersée, ou ça arrive quand même à faire tache d'huile dans certains secteurs? Écoutez, on va essayer de simplifier. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que malgré l'image médiatique, mais l'image publique d'une Algérie qui est en mal de gouvernance parce que le président est malade, parce qu'il y a un exécutif qui n'arrive pas à donner une visibilité de sa politique, etc. Les mouvements sociaux existent, attention, les mouvements sociaux existent. Il y a une dynamique de mouvements sociaux qui est réelle, mais c'est pas toujours des mouvements sociaux organisés. Ils n'ont pas forcément une visibilité ou une approche revendicative forcément claire, etc. Parce qu'il y a des traditions à acquérir, parce que les acquis entre générations ne sont pas forcément transmis. Mais je tiens à dire que il y a des mouvements étudiants qui commencent à éclore. Il y a de nouvelles générations de délégués qui apparaissent et qui apprennent le métier, entre guillemets, j'allais dire. Au niveau des enseignants universitaire, là pour parler de l'université, c'est vrai qu'on avait à un moment donné, il y avait le CNES, le Conseil National des Enseignants du Supérieur, qui, j'allais dire, dans ces moments euphoriques entre 1996 et 2006, a essayé de créer, a essayé de jouer le rôle de contre-pouvoir à l'administration universitaire. Et on peut considérer que sur ce plan-là, le travail a été relativement bien fait. Et nous avons pu, créé des rapports de force nouveaux où l'enseignant était beaucoup plus considéré, il était beaucoup plus à l'écoute, et ça a permis aussi de revaloriser nettement et sensiblement la condition sociale et salariale des enseignants. Mais en 2006-2007, il y a eu une sorte d'OPA qui a été faite sur le CNES, parce que tout simplement, au niveau des appareils d'État et de ce qu'on appelle les décideurs invisibles, le CNES commençait à apparaître comme un repère particulier, fort, pour ceux qui, aussi bien dans la société que dans l'université, que dans l'éducation en particulier, aspiraient à construire des syndicats autonomes. Et quand le CNES allait être caporalisé, eh ben, notre ami et camarade Ousmane Rezouane, qui est décédé, syndicaliste connu qui s'est battu, eh ben, a été un des précurseurs du mouvement syndical autonome dans le secteur de l'éducation. C'est une bataille qui continue, et à mon avis, un des enjeux de la tension qu'il y a eu et de l'agression qu'il y a eu dans l'université d'Alger 3, c'était l'enjeu de l'autonomie des enseignants dans leur organisation et dans leur prise de position. Alors, merci infiniment, Adel Abderzak. Peut-être une ou deux questions pour finir. Rapidement, vous êtes interviewé dans le cadre de l'émission Amandla, une émission qui se veut panafricaine. Peut-être, comment est-ce qu'on pourrait penser le rôle des universités dans la construction, peut-être, du Maghreb de demain et dans des solutions de type fédéral? Est-ce qu'il y a une mobilité universitaire à privilégier? Comment est-ce que ce champ peut être initiateur d'une démarche, justement, au niveau des projets politiques fédérateurs à l'échelle régionale et peut-être continentale par la suite? Alors, l'université, effectivement, peut jouer un rôle, j'allais dire, indirect, même si politiquement les choses ne sont pas claires. Indirect, pourquoi? Parce que les enseignants universitaires algériens ont des stages, des bourses de 15 jours, 1 mois, 10 jours, etc., des bourses en devise pour aller faire des stages dans des universités. Et je constate depuis quelques années que, surtout depuis que le visa vers la France est devenu compliqué, que les universitaires algériens vont de plus en plus vers la Tunisie et surtout vers le Maroc. Et ça veut dire qu'il y a une potentialité de mise en réseau des universitaires, d'échange, de débat, de partager les choses et les idées, et c'est quelque chose qui participera de façon cumulative, à mon avis, à une espérance d'avenir qui est celle que les sociétés civiles, les intelligentsias et les expressions critiques au niveau des élites dans ces pays puissent partager et converger et participer à j'allais dire, à produire un projet politique commun pour les pays du Maghreb. Merci infiniment Adel Abderzak. On va finir sur cette dernière question. Je suis convaincu que je n'ai pas fait justice à l'ensemble des questions qui pourraient être abordées. On a peut-être schématisé certains enjeux, mais dans un premier temps, pour un public qui n'est pas familier avec l'actualité politique algérienne, cette porte d'entrée, justement, permettra peut-être de cesser de faire un profil bas sur la situation qui prévaut dans votre pays. Merci infiniment Adel Abderzak. Au plaisir. Avec plaisir. Merci pour la radio de m'avoir invité. Merci. Au revoir. Voilà, c'était donc un entretien avec Adel Abderzak sur les mobilisations qui ont cours dans le milieu universitaire en Algérie. Adel Abderzak est un excellent intellectuel algérien, très mobilisé sur le plan social. Il est professeur à l'université de Khanchla, donc dans le centre du pays, pour aller très vite. Vous pouvez donc le lire, vous pouvez googler, vous allez trouver certains de ses textes. Et vous pouvez aussi le suivre sur Facebook, Adel Abderzak.